Activité 7, page 47. Piste 36. A. Elle pleure depuis 4 heures. B. Alice Delcourt court toujours. C. Raphaël part en car au phare. D. Arthur cire ses chaussures. E. Henri se marie à Paris.